Leçon 1. Lundi. Histoire. Écoutez attentivement. Je suis une petite fille. Je m'appelle Dorothée. J'habite au Kansas avec mon oncle Henri. Il est fermier. Sa femme, ma tante Emma, est aussi fermière. Notre maison est petite. Jeu questions-réponses. Répondez à nos questions. Je suis une fille. Qui es-tu? Une fille. Je suis une fille, une petite fille. Tu es petite ou grande? Petite. Je suis petite. Je ne suis pas grande. Je suis une petite fille. Qui est-ce que je suis? Tu es une petite fille. Oui, tonton, c'est ça. Je suis une petite fille. Je m'appelle Dorothée. Tu t'appelles Dorothée? Oui, bien sûr. Je m'appelle Dorothée. Tu t'appelles comment? Dorothée. Je m'appelle Dorothée. Je suis ta nièce, Dorothée. Je suis Daria ou Dorothée? Dorothée. Tu es Dorothée, ma nièce. Daria est ma sœur. Bon, je m'appelle Dorothée. J'habite au Kansas avec mon oncle. Tu habites avec ton oncle? Oui, avec mon oncle. J'habite avec mon oncle. Nous habitons ensemble. Tu es mon oncle. Qui est-ce que je suis? Ton frère ou ton oncle? Mon oncle. Tu es mon oncle. Pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Nous habitons au Kansas. Nous habitons où? Au Kansas? Oui, au Kansas. Tonton, tu es américain. Tu es fermier. Ton oncle est fermier? Oui, il est fermier. Tu es fermier. Tu n'es pas chercheur. Je suis chercheur ou fermier? Fermier. Tu es fermier, pas chercheur. Et tu es comme un père pour moi. Qui est fermier? Ton père ou ton oncle? Mon oncle. Mon oncle est fermier. Tu es fermier. Ma tante Emma est aussi fermière. Qui est aussi fermière? Ta sœur, ta mère ou ta tante? Ma tante Emma est fermière. Elle est ta femme. Ma femme est ta tante? Oui, ta femme est ma tante. Elle s'appelle Emma. Qui s'appelle Emma, tonton? Ma femme s'appelle Emma. Alors, ta femme, ma tante, elle s'appelle Emma. Nous habitons au Kansas, dans notre petite maison. Comment est notre maison? Grande ou petite? Petite. Notre maison est petite. Elle n'est pas grande. Elle est petite. Notre maison est petite. Ta ferme est grande. Ma ferme est petite? Non, ta ferme n'est pas petite. Elle est grande. Notre maison est petite. Qu'est-ce qui est petit? Notre appartement ou notre maison? Notre maison. Notre maison est petite. Nous habitons dans notre maison. Ta sœur habite dans son appartement. Son appartement est petit. Version de l'oncle Henri. Saurez-vous trouver l'erreur? Alors, tu t'appelles Dorothée. Tu es une petite fille. Tu habites avec ton oncle et ta tante au Kansas. Ton oncle et ta tante sont fermiers. Ils travaillent à la ferme. Toi, ton oncle et ta tante, vous habitez ensemble. Vous êtes pauvres, mais votre appartement est grand. Loterie culturelle. La France et les Français. Baguette. Nous avons tous vu le stéréotype du Français portant un béret et une baguette sous le bras. Pour ce qui est du béret, c'est le même genre de caricature que l'idée que tous les Russes portent une chapka et des bottes. Mais la baguette à la main est quelque chose de tout à fait courant en France. Tous les matins et tous les soirs, des Français font la queue devant les boulangeries. Pour certains, la baguette est un élément essentiel du petit-déjeuner et du dîner. Mais personne ne laisse la baguette dehors jusqu'au lendemain. Il faut la consommer immédiatement après achat. J'ai été convaincu par mon expérience personnelle. Si on laisse la baguette dehors pendant la nuit, le lendemain matin, elle est tellement dure qu'on peut y enfoncer des clous. Une baguette et de la salade s'accompagnent très bien de certains fromages, produits très appréciés en France. Nous en parlerons aussi. Baguette, fromage et salade, en plus d'un verre de vin. Un exemple de dîner pour un voyageur. En Russie aussi, on peut acheter des baguettes, mais elles ne sont pas du tout comme les baguettes françaises. Tout est une question de farine, d'eau, de climat et d'autres facteurs. Alors, si vous êtes en France, n'oubliez pas d'acheter une baguette.